mental endurci depuis un moment. Approché, j'en fais un roman, ou plutôt un texte cru de tout ce qui m'obstrue. Tout ce qu'il faut sur cet instru. Tant de gens ne me comprennent pas. J'ai pris le train pourvu qu'ils ne le prennent pas. J'en ai eu marre de cette vie de merde. Au fond de nulle part, je pars avant de me perdre. 33 me voici, Bordeaux. Petit à petit, je décore ma toile comme de Vinci. Encore plus de choses à dire, d'où un mot de plus. Encore un an de plus, doué pour l'opus. La fierté de me construire tout seul. Le piston de la réussite est linceul. Beaucoup de rappeurs ont un autre optique. Plus un concert, plus la merde, normal que la foule soit sceptique. Moi, je préfère mon éthique. Je prends mes devants pour un parcours épique. La ma vie ton ébullition. Le secret de mon art c'est l'ambition. Autofocus, autofocus. Fais une mise au point sur ma vision des choses. Autofocus, autofocus. Encore une fois ici le temps est morose. Malgré ma tête levée, mes poings fermés. Toujours quelqu'un pour te rappeler qui tu es. Mais tout ça stasse. Et sache qu'avec l'allure les bâtons dans les roues se cassent. Et ceux qui les jettent sont à l'arrêt, rien ne m'arrête, j'écris mes sons tel un rêve. Beaucoup de choses sont acquises, mais il reste du chemin. On le sait, le destin s'écrit tout doucement. Je bruit des vagues, je laisse le son m'emporter. De nature à chercher l'air pur, je suis escorté. J'aperçois l'horizon, mais ces obstacles me font chier. Heureusement que certains m'empêchent de décrocher. Je me tue à la tâche, jusqu'à tourner la page. Mes feuilles blanches ne le sont plus. Tout ce qui m'attache me sort de ma cage. M'éclaircit après la pluie, yeah. Je me demande encore aujourd'hui pourquoi toutes ces personnes que j'ai connues courtois n'acceptent pas leur erreur et me tournent le dos. Je dis pas que je suis encore, mais j'ai toutes mes raisons. Autofocus, autofocus. Fais une mise au point sur ma vision des choses. Autofocus, autofocus. Encore une fois ici, le temps est morose. Bref, ma vie n'est pas basée sur le stress. J'ai pas banni la maîtrise, encore moins bavé sur le test. Ma musique me réconforte, me sert à passer des messages. À passer de mes anges, voilà le calme que j'envisage. Je compte couronner tout ce que j'ai boulonné. Tout pour t'étonner, donner pas facile à sonner. Parfois je le sais, je suis difficile à décrypter. C'est pas codé sans déconner tout ce que je vous ai dicté. Comme dirait mon pote Jam, chaque phrase a son mot à dire. Je rappe pas dans l'idiotie, chaque fois je pourrais t'étourdir. Le moyen de trouver le sens et d'approfondir. Bavard mais appliqué, c'est tout ce que mes profs ont dit. Autofocus, autofocus. Fais une mise au point sur ma vision des choses. Autofocus, autofocus. Encore une fois ici, le temps est morose. Ce que je pense et j'emmerde ceux qui me contredisent. Personne, je dis bien personne. Personne m'empêchera de vivre mes rêves. Autofocus, autofocus. Encore une fois ici, le temps est morose.